Pourquoi doit-on concilier liberté et obligation ? La liberté et l'obligation semblent d'abord s'opposer et, de fait, beaucoup de théories de l'obligation s'opposent frontalement à l'affirmation ou à la revendication de la liberté. Pour certains philosophes, nous sommes dépendants d'êtres supérieurs à nous, par exemple divins, et nous devons leur obéir. La liberté n'est pas le dernier mot de l'expérience humaine. Ou bien, il y a aussi des philosophes de la société qui pensent que l'obligation est un fait social premier et que la liberté n'en est pas du tout la condition ou l'origine. Laissons de côté pour l'instant ces doctrines de l'obligation contre la liberté. Mais supposons que nous partions de l'affirmation de la liberté, eh bien, le paradoxe, c'est qu'en partant de la liberté, on doit bien retrouver aussi l'obligation. Et je dirais même que dans l'histoire de la philosophie, il y en a plusieurs degrés, 3 degrés du retour à l'obligation à partir de la liberté. Le premier degré, c'est évidemment par défaut. On ne peut pas se passer de l'obligation parce que la liberté est au pluriel, parce que je ne suis pas libre tout seul, parce que ma liberté rencontre celle d'autrui et rencontre aussi des besoins vitaux et sociaux qu'il faut évidemment satisfaire. C'est donc une obligation, je dirais, négative. Par défaut, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres et là où commencent aussi les urgences vitales, individuelles ou communes. Il y a donc des priorités qui s'imposent à la liberté. Mais il y a un deuxième degré dans le retour de la liberté vers l'obligation et même dans, on pourrait dire, l'appropriation de l'obligation par la liberté. Ce deuxième degré très classique qui définit peut-être la modernité, c'est l'idée que la seule obligation légitime, peut-être même la seule obligation tout court, ce qui définit l'obligation par opposition à la contrainte extérieure, c'est l'obligation que la liberté accepte, obéir par liberté, choisir les lois auxquelles je vais obéir. L'obéissance, dit Rousseau, dans une phrase très célèbre et très importante, l'obéissance à la loi qu'on sait prescrite est liberté. Si j'ai décidé des obligations que je vais suivre, alors j'obéis librement. Et c'est tout le paradoxe du contrat social, de la démocratie. L'obligation, alors, est rejointe positivement par la liberté. Et c'est évidemment fondamental pour que l'obligation ne s'impose pas comme une contrainte. Et il y a encore un troisième degré dans des philosophies peut-être paradoxales pour certains, mais très importantes dans l'histoire. C'est l'idée que l'obligation n'est pas seulement légitime quand elle est approuvée par la liberté, mais elle nous révèle le principe même de la liberté. Le principe de l'obligation et de la liberté sont peut-être les mêmes. C'est la grande thèse d'Emmanuel Kant dans sa philosophie de l'impératif catégorique. Car pour Kant, quand je suis libre sans obéir à un devoir, en fait je ne le suis pas. J'obéis à un instinct, j'obéis à une pression sociale, j'obéis à ce qu'il appelle du pathologique, de l'extérieur, je ne suis pas autonome. En réalité, l'obligation pure, agir par un pur devoir rationnel, rejoint la source de la liberté dans ma rationalité, dans ce qui me fait échapper au monde. Ainsi, la source du devoir absolu et la source de la liberté sont les mêmes. On pourrait dire que ce sont deux sources d'un même phénomène. Toutes les grandes philosophies de la liberté ont cherché à orienter la liberté vers un bien, vers quelque chose qui se concilie en profondeur avec elle et qui l'oblige, non seulement par défaut, non seulement par consentement ou par contrat, mais par une sorte de force commune qui donne tout son sens à la liberté.